jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper. Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste des réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne le péché des leaders. Dans une société, il y a ceux-là que Dieu a placés pour diriger le peuple, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau des préfectures, au niveau des mairies, au niveau des villages, au niveau même de l'église. Les péchés des leaders influencent négativement tout le peuple. C'est pourquoi lorsque tu es leader, fais attention à ce que tu fais. Regardez ici, il est dit au verset 1, « Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites, ne se sont point séparés du peuple de ce pays, et ils imitent leurs abominations. » Celles des Cananéens, des Essiens, des Pérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Dieu a interdit à Israël d'imiter les abominations de ce peuple. C'était l'idolâtrie, c'était que les pratiques sexuelles ignobles, l'impureté, l'impudicité, toutes ces pratiques-là n'étaient pas permises à Israël de les faire. Mais maintenant ici, on dit que le peuple s'est allié. Israël s'est allié à ce peuple-là et le premier à commettre là était le chef, c'est-à-dire les leaders. Il est dit au verset 2, « Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ces péchés. » Vous voyez, au nom de ces péchés, il y avait les alliances, c'est-à-dire les mariages avec les femmes étrangères. C'était interdit par Yahvé, le Dieu d'Israël. De telles alliances détournaient le peuple d'Israël du vrai Dieu. Et généralement, les autres peuples avaient leur divinité. Quand un Israélite épousait, par exemple, un Jébusien, une Cananéenne, cette dernière influençait l'Israélite à commencer à adorer sa divinité. C'est ce qui s'est passé au même au temps de Salomon. Donc, c'était des pratiques interdites. Et les chefs étaient les premiers à commettre ces choses-là. C'est-à-dire, lorsque les chefs ont commis ces péchés, ils ont entraîné les restes. Mon ami, toi tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu. Comment aimes-tu la boisson? Comment est-ce qu'on te retrouve dans des boîtes de nuit? Comment est-ce que toi, tu as chassé ta femme, tu as divorcé pour prendre une autre fille de l'église, une autre sœur de l'église? Alors, si toi-même là, tu as divorcé, quelle leçon de moralité vas-tu donner à tes membres? Donc, ne t'étonne pas de ce qu'il y ait des divorces en cascade dans ton église. C'est pourquoi nous devons prier pour tous nos leaders, afin qu'ils soient des hommes modèles. Deuxième vérité, le péché collectif, en commençant par le péché de nos leaders, devrait produire en nous l'affliction, la tristesse, l'indignation. Vous voyez, souvent lorsque nous apprenons que tel est tombé dans les péchés, nous nous limitons seulement à critiquer. Ah, vraiment, lui, vraiment, il est un païen. Lui, il est vraiment n'importe quoi. Parfois, nous critiquons les pasteurs, nous critiquons les chantres, nous critiquons les dirigeants. Lorsque ton DG, lorsque ton patron, ton chef, il s'est méconduit, cela doit te pousser dans la tristesse. Cela ne doit pas te réjouir. C'est l'attitude qu'Esdras avait. Il est dit au verset 3, « Lorsque j'entendis cela, » c'est-à-dire quand il a appris ce qui s'est passé, que les gens se sont alliés en épousant des femmes étrangères, ce qui était contraire à la loi divine. « Lorsque j'entendis cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. » Et le verset 4 renchérit en disant, « Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient, tout ce que faisait trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des filles de la captivité. Et moi, j'ai resté assis désolé jusqu'à l'offrande du soir. » Troisième vérité, nous devons apprendre à faire ce qu'on appelle la prière de repentance. C'est une prière où nous nous identifions au péché de notre peuple, au péché de nos dirigeants. Même si moi je n'ai pas commis un péché, lorsque je vois qu'au niveau de mon pays il y a des viols, il y a des assassinats, il y a de l'impureté, l'immoralité, il y a des vices tels que les pratiques homosexuelles, les choses que la Bible interdit. Nous voyons qu'il y a l'idolâtrie sous toutes ses formes. Nous savons que ces choses-là irritent Dieu. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois m'humilier pour m'identifier, pour demander pardon. La prière de repentance. Souvent, il y a beaucoup de gens qui aiment seulement faire des prières de combat. Nous chassons les démons. Nous faisons... Mon ami, ce n'est pas pour tout où on chasse les démons. Il y a des moments où on doit dire, Seigneur, nous avons péché. Nous te demandons pardon. Ça, c'est important. C'est ce qu'Esdras a fait. Il est dit au verset 5, « Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. J'ai tombé à genoux, j'étendais les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et j'ai dit, verset 6, « Mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, oh mon Dieu, d'élever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. » Vous voyez, il parle de nos iniquités, même si ce n'est pas forcément lui, Esdras, qui a commis ses péchés. Mais c'est le peuple, c'est ses dirigeants, ils s'identifient à ces péchés-là pour implorer la miséricorde divine. Et il a compris que le péché collectif peut entraîner beaucoup de situations au niveau de la nation, au point où Dieu peut même attirer des calamités dans une nation à cause du fait que les gens se sont livrés à l'impureté et que les dirigeants se sont livrés aux pratiques qui n'honorent pas Dieu. Vous voyez, il est dit au verset 9. « Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois des Perses pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de Dieu, en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. » Maintenant, que dirions-nous après cela au notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements. Donc, il a compris que la captivité qu'avait connue Israël pendant 70 ans était la conséquence de la désobéissance. Et maintenant qu'ils sont rentrés de la captivité, il n'était pas tolérable que les gens continuent à désobéir à la loi divine, à se méconduire, à s'allier au mariage, à s'allier au peuple à qui l'Éternel a dit « N'entrez pas en alliance avec eux. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous repentir devant le Seigneur. Et quand on se repent, on reconnaît les péchés. On ne cherche pas à discuter. Vous voyez, le verset 15 dit, « Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. » Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. La tempête se déchaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle et dit, ne crains point. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. La tempête se déchaîne. Mon cœur est en paix, une voix m'interpelle et dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi, arrière de moi, J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Aïe de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Aïe de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Aïe de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Aïe de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Aïe de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Ailleurs de moi, Satan, Jésus me tient. Alléluia. Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur. Amen. Notre passage du jour, c'est Esdras chapitre 9, 1 à 15. Nous sommes à notre émission de prière OSB que vous pouvez réécouter sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir ici que les leaders doivent être modèles. Prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit au niveau national, au niveau régional, que ce soit au niveau de nos églises, afin que nos leaders soient des personnes morales. Modèle. Et ceux qui se sont égarés, qui sont tombés dans les péchés, que Dieu les relève par sa grâce. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que le péché collectif, et particulièrement le péché de nos leaders, devrait nous plonger dans la tristesse et dans la repentance. Si vous remarquez qu'il y a des péchés collectifs, que vos dirigeants, que ce soit au niveau de votre famille, ou peut-être c'est votre père, votre grand-père, votre mère, que ce soit au niveau de votre structure, votre entreprise, implorez la grâce de Dieu, que ce soit au niveau de l'Église, implorons la grâce de Dieu pour demander pardon à toutes ces abominations que nous constatons, qui sont commises au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la main. venons devant toi ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre Protecteur, Dieu fidèle, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Nous venons ce matin t'apporter nos leaders ecclésiastiques. Seigneur, qui pensent être intouchables, nos chefs de famille, tous ceux à qui tu as donné la responsabilité de gérer ton église, des familles, des entreprises, mais qui vivent, notre Dieu, notre Père, une vie contraire à tes principes bibliques. Ô Seigneur, qui entretient des relations qui ne sont pas acceptées par ta parole, c'est au vu au sud de tout le monde. Et ça gronde, Seigneur, ça détruit l'église. Et tout le monde a peur de pouvoir s'approcher de ses responsables, leaders et chefs de famille. Nous voulons te prier ce matin que des hommes soient suscités avec notre Dieu, la manière biblique de pouvoir s'approcher des uns des autres, pour que ces hommes comprennent la réalité d'exacts ignobles qui se posent dans nos familles et dans nos congrégations. Nous voulons te prier, Seigneur, que ton esprit touche, afin que la repentance soit de mise. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais toi-même, tu dois apprendre aussi à te repentir. Il se pourrait que des problèmes que tu vis dans ta vie, des blocages que tu vis sur le plan financier, sur le plan du mariage, peuvent être dus aussi à la désobéissance. Si tu remarques que c'est à cause d'une désobéissance, repends-toi, demande pardon au Seigneur, implore sa miséricorde. Et lorsque tu vas demander pardon, c'est alors que le Seigneur va intervenir pour te libérer. Prions le Seigneur. Que ton nom est grand, que ton nom est puissant, que ton nom est digne. Ce matin encore, notre Dieu et notre Père, sois loué, sois glorifié. Merci parce que tu nous as donné ta parole pour que nous soyons bénis. Tu nous as sauvés et oui, le salut est accompagné de toutes sortes de bénédictions financières, matérielles, oui, et physiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes rebelles à ta parole. C'est pour cela que nous nous repentons. Aujourd'hui, nous ne donnons pas la dîme. C'est pour cela que nous ne sommes pas assez bénis. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous ne donnons pas les offrandes pour que ton œuvre avance, pour que, Seigneur, ton royaume progresse, pour que l'évangélisation soit annoncée. Nous sommes ingrats dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans notre manière de te donner. C'est pour cela, Seigneur, le géant financier en nous ne se manifeste pas tous les jours. Je prie que tu nous aides, que à partir de cet instant, nous puissions nous repentir. Je prie aussi, Seigneur notre Dieu, souvent nous ne sommes pas bénis dans le mariage parce que nous commettons la fornication. Aide-nous, nous nous repentons, prends pitié de nous. Père, à partir de cet instant précis, je prie que tu nous donnes la crainte de ton nom, tu nous donnes la force de t'obéir et que chaque jour, nous ne fassions que ta volonté. Merci de nous visiter, merci d'ouvrir les portes qui sont fermées, merci de fermer les portes qui sont ouvertes par nos péchés. Merci et merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que demain, Dimanche 3 avril, nous aurons notre rencontre Bonheur Conjugal pour les célibataires au CPE. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Thème, comment prier pour ouvrir les portes du ciel. L'entrée sera libre. Le samedi 9 avril, nous aurons notre première sortie Bonheur Conjugal pour les célibataires au lycée Mamie Fété de Bingéville. Droit d'entrée, c'est 1500 francs. Les tickets sont déjà en vente à la radio Fréquence Vie. Mais si tu viendras ce dimanche à Bonheur Conjugal au CPE, tu peux venir acheter ton ticket sur place. Il ne faut pas rater ce grand rendez-vous. Thème, comment reconnaître les choix de Dieu pour votre mariage. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir, à la fois prochaine. La puissance de...